come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Regarde mon frère, où on en est. Ici c'est biscotto et meuf siliconée. Des corps le pot sucé, des visages liftés, exposés aux UV. Le culte de l'homme les envoûtés. Faut être beau, vaut mieux crever. Et pour ça ils sont prêts à tout, à passer sur le billard quitte à finir sans sous. Ce qui importe d'exciter les petits loups et faire rouler un maximum de matou. Ils veulent ressembler à ceux qu'ils envient, avoir les fesses d'un tel et surtout des saint maxi. À l'image de Obad et son effigie, hein. Et pourquoi pas finir sur voici, oh, oh. Évolution, oh, oh, non, non, mutilation. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. C'est le culte de l'homme, et dans le coup c'est ce qu'il faut pour dépasser les normes en pousse dans ses formes. Yo, dans ce jeu certains sont prêts à tout, quitte à finir comme certains persos de Legendo. Le médecin qui a triomphé de lui, y'en a même qui veulent ressembler à Bambi. C'est la course au style, même innovant veut être une jeune fille. Papy Brossard, un jeune beau gosse, pour son emploi les cours de fitness, chirurgie esthétique. Y'en a qui se font refaire les. Moi je prends ça de haut, mais si tu me trouves pas, pas des problèmes avec mon ego. J'ai des comptes à rendre à Dieu, j'ai des comptes à rendre à ceux qui sont naturels, plus que superficiels. C'est bien de voir la vie en surface, mais dis-moi mince, que reste-t-il sans ta plastique? Pareil que les sœurs couchent pour quelques billets. Qu'elles font la totale si tu les sers chez le Versace. Si tu leur promets canne et quelques virées, peut-être bien qu'elles vont se marier. Même les mômes se mettent à draguer. Leurs boutons nous rappellent qu'elles sont en pleine puberté. Moi, je leur crie que je suis un homme marié. Que mon cœur est pris de cadeaux s'il est scellé. Et que j'ai pas le temps d'aller me griller. Qu'une meuf de 16 ans, franchement, je préfère me flinguer. Je laisse ça pour les autres, pour ceux qui drivent leur vie avec ce qu'ils ont dans les frocs. C'est oh, oh, fascination. Oh, oh, humiliation. Mamma mia, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on.